Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Nous sommes le mercredi 5 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 précisément. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Arnaud Finance ou Arnaud Fulin Finance qui est là pour nous parler du deuxième tome des aventures de son personnage, Jesse Liberty, tome intitulé Angel Bay Wrestling Diary, The Storyline of Jesse Liberty. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien. Parfait. En cette période de pandémie, ça va. Ouais, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Donc, nos auditeurs et nos auditrices se sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, ben, je m'appelle Arnaud Finance et Fulin, c'est le nom de mon grand-père que j'ai ajouté à mon nom d'écrivain. Je m'appelle Flamme quand je deviens dessinateur. D'accord. Et je suis né ici dans les Vosges il y a 50 ans, tout pile. Et puis, dire de quoi d'autre, je suis écrivain, dessinateur, artisanal. J'y tiens beaucoup. D'accord. Et je continue donc mon petit bonhomme de chemin. Justement, quand tu dis écrivain, dessinateur, artisanal, qu'est-ce que tu entends par artisanal? Disons que je fais tout seul. D'accord. Donc, c'est un travail d'artisan. Je corrige mes livres, je les écris, je dessine mes personnages, je fais d'autres illustrations, bien entendu, à ceux qui veulent bien me contacter sur mon Facebook. Et puis voilà, donc comme je fais tout seul, eh ben, je suis un artisan. D'accord. Donc on peut dire que tu es un véritable couteau suisse, quelque part. Un couteau suisse, par rapport à mon ancien métier qui était cuisinier, oui, ça marche aussi. Oui. D'accord. C'est très bien comme ça, oui. Oui, oui, je suis une sorte de... J'ai plusieurs casquettes. D'accord. Le premier tome de cette série s'intitulait, donc j'ai sous les yeux, Angel Bay Wrestling Diary. Voilà, tout simplement. Donc, quand on va un petit peu parler du premier tome avant de parler du deuxième, quand est sorti ce premier tome? Il y a 2 ans au mois de mars. D'accord. Et donc, la couverture du premier tome, c'est toi qui l'as dessiné? C'est moi qui l'ai dessiné. C'est un travail... Angel Bay, là, nous avons seulement les deux tomes. Mm-hmm. C'est un travail de 15 ans. D'accord. Tout seul, aller dans les shows de catch. D'ailleurs, je suis, comme tu le sais, un grand fan de catch. J'en pratique encore en tant que manager. Et ça m'a pris 15 ans. Dessin, texte. Il y a plus de 1000 dessins à la maison. Esquisses confondues. Il y a pas mal de choses. Donc c'est un aboutissement de 15 ans de travail. D'accord. D'ailleurs, il me semble qu'on en a déjà parlé, il fut un temps de ta carrière dans le monde du catch. Il me semble que, donc, comme tu dis, tu es manager masqué, il me semble même. Masqué, et j'ai un autre personnage qui est un peu plus en rapport avec mon nom, finance. C'est un businessman, véreux, enfin, un JR en puissance. Et je campe deux personnages. C'est suivant le personnage qui est sur le ring, s'il est bon ou mauvais... Parce que le masqué, il est torpillé entre bon et mauvais. Il est torturé. C'est un mec qui vient des enfers, mais qui est pavé de bonnes intentions. Donc, voilà, quoi. Et donc, justement, vu qu'on est dans le monde du catch, même dans tes ouvrages, quel est ton nom de catch, enfin, de manager masqué? C'est Lord Sinister. Lord Sinister. Et quand t'es pas masqué, c'est... C'est Arnaud Fulin, le businessman, tout bon. Simplement. Voilà. Et donc, justement, avant de un peu plus replonger dans les ouvrages, est-ce que ceux qui viennent te voir, par exemple, dans un show, savent que tu joues les deux ou pas du tout? Non. D'accord. Non, il y a une grande différence entre Lord Sinister et Businessman. On essaye d'avoir les deux personnages sur deux matchs. Mm-hmm. C'est-à-dire, je fais le premier Lord Sinister, il y a un match, et après le deuxième personnage. D'accord. Ok, oui, car pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne le sauraient pas, dans le monde du catch, il y a ce qu'on appelle des gimmicks, donc c'est les personnages interprétés par les catcheurs ou par les managers comme toi, et donc là, moi je te vois en face, je vois ta tête, et par exemple... Il y a le ring, qui est voilà. Une chose, et il y a la vie, qui est une autre chose. C'est ça, tout à fait. Je vais pas aller au supermarché avec en Lord Sinister, il est fou ce mec. Encore heureux. Donc on va replonger dans l'écriture quand on est un petit peu là pour ça. Donc du coup pour le deuxième tome, est-ce que c'est toi également qui as dessiné la couverture? Oui, c'est moi. Et donc pour pour décrire un petit peu, enfin, je décrirai la couverture un petit peu plus tard, histoire de faire imaginer des choses à nos lecteurs. Quand est sorti ce deuxième tome, justement ? Il est sorti il y a 15 jours. Ah oui, c'est tout récent ? Oui, tout récent. Tout beau, tout chaud. Exactement. Et puis là, j'ai la couverture sous les yeux. Elle est plutôt sympa, je trouve. On en parlera un petit peu plus tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir un petit peu sur ta carrière d'écrivain. Depuis combien de temps écris-tu ? Alors, j'écris depuis 1996, mais j'osais pas sauter le pas. Déjà, j'avais mon métier qui me prenait beaucoup de temps. Cuisinier, c'est à temps plein. C'est des journées de 12-13 heures. C'est un métier de fou, de malade, mais que j'adorais parce que j'étais passionné de ça. Et c'est un métier qui m'a quand même donné plus de satisfaction que de désarroi. Bon, ça m'est arrivé d'avoir des coups de blouse. Bien sûr. Mais j'ai été décoré, j'ai eu ma grande toque, j'ai eu mes mentions, j'ai travaillé. Et donc, j'ai bien bossé. J'ai bossé 25 ans dans la même entreprise. D'accord. Donc, voilà. Et puis, une fois les fourneaux éteints, j'ai écrit. Et j'ai pas arrêté d'écrire quand j'ai eu mon accident de la route en 96. D'accord. Ma voiture est finie dans un ravin et j'ai toqué la tête sur mon appui-tête. À 10 cm près, j'avais plus de jambes. Ah oui. Et là, je me suis mis à écrire, à dessiner, à écrire, à dessiner. Ça a peut-être été le déclic. Ça a été le... Donc, ça a été le premier Henri. J'ai écrit mon premier polar que je suis en train de reprendre actuellement. Donc, justement, est-ce qu'on peut dire que l'écriture et le dessin, ça a été comme un exutoire pour toi ? Le dessin, c'est encore plus tôt. Je dessinais à l'âge de 11 ans. D'accord. Et je lisais les comics. Et oui. Je m'étais dit, mais pourquoi je peux en faire autant ? Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la reproduction, Superman, Wonder Woman, enfin, tous les gars de chez DC, Marvel, enfin tout ça. Bien sûr. Et puis un jour, j'ai créé mes personnages. Et il y a eu la demoiselle, là, avec une influence Wonder Woman, faut bien admettre. Bien sûr. Mais l'histoire est totalement différente. Hein. C'est pas une princesse Amazon, machin. Non, non, c'est quelqu'un de plus humain, plus. À part les auras. Mais sinon, c'est quelqu'un de plus humain que Wonder Woman. Bien que j'adore cette héroïne. Et d'ailleurs, j'ai été voir le dernier il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvé très bien. Voilà, c'est comme ça, j'ai mes influences. J'ai Saint Seiya qui est une belle influence bien chez sûr. Moi. Dragon Ball un peu moins. Les nouveaux mangas, je n'accroche pas. Je suis de la génération Goldorak et puis je m'en tiens là et je reste dans mon petit univers, gentiment, tranquillement. Et j'essaye de faire rêver, surtout en ces temps durs de pandémie. Je vais rapporter aux gens un petit truc qui leur fasse dire lui, il a du courage, il fait ses bouquins. Et voilà, leur apporter un peu de rêve dans leur morosité, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas propre à la France, hein, bien sûr. C'est vrai. Mais moi, étant français, voilà quoi. Donc je suis l'actualité et je me dis que un peu de rêve, ça leur ferait pas trop de mal, quoi. Exactement. Donc là, comme tu parlais de Wonder Woman tout à l'heure, je vais passer un petit salut à Gal Gadot qui nous écoute certainement pas, mais vu qu'elle est, je sais qu'elle est enceinte actuellement. Ouais. Donc voilà, on espère que tout se passe bien pour elle. C'est une actrice que je suis beaucoup. Je sais qu'elle va faire une série style espionnage. Et j'ai vu le dernier Justice League qui dure 4 heures, qui reprend le premier, mais qui a plus de scènes. Donc oui, elle est depuis Linda Carter, je pense que c'est la meilleure qui a interprété ce rôle-là. Et j'espère qu'il y en aura un troisième. Je l'espère. Normalement, il y a prévu un Wonder Woman 3, mais bon, c'est mis en pause vu qu'elle est enceinte. Donc, et puis aussi Linda Carter, comme tu dis, qui est l'ancienne interprète du rôle de Wonder Woman dans Alors, la série. Alors pour la petite primeur, je crois, je voudrais pas être sûr, je crois que Linda Carter était pressentie pour être Hippolyte dans Wonder Woman. D'accord. Ça s'est pas fait. Ça aurait été quand même pas mal, je pense. Mais donc, du coup, maintenant, Linda Carter a joué le rôle du coup de Diana, le Wonder Woman qu'on connaît tous. Du coup, quel a été ton parcours scolaire et professionnel? Tu as fait de la cuisine, comme tu l'as dit, mais quel a été ton parcours, on va dire, scolaire? Est-ce que tu as fait des études littéraires ou absolument pas? Pas du tout. Les seules études littéraires que j'ai faites, c'est ma bibliothèque. D'accord. J'avais Dumas, Verne, tous mes auteurs favoris. Après, j'ai découvert Tolkien. Alors là, ça a été, ça a été la révélation ultime. Mais je suis plus Dumas, Jules Verne, tous ces gens qui m'ont apporté beaucoup de trucs, puis beaucoup de mythologie en tout, dans tous les genres. La légende arthurienne qui me tient très à cœur. Et j'ai lu. J'ai juste lu. Lu. Et j'ai appris en lisant. Puis après, bon, bah, je suis rentré dans la cuisine. Hein. J'ai suivi un cursus normal, élémentaire, primaire, jusqu'en cinquième. Et puis après, je suis rentré à l'école hôtelière. J'avais 15 ans. D'accord. Je suis sorti à 18 ans avec mon CAP. Avec mention. Et je suis allé au service militaire, qui était obligatoire à l'époque, où je suis resté dans les cuisines, bien entendu. Et puis sorti, ben, je suis arrivé au tremplin et j'y suis resté 25 ans, jusqu'à sa fermeture définitive. D'accord. Et à côté de ça, ben, je faisais mes dessins, mes petits machins, les... mon petit artisanat, quoi. Okay. Et puis un jour, j'ai dit, bon, allez, on va pas laisser ça dans les coffres. On va se faire éditer. Mmh. Alors, le parcours pour trouver une maison d'édition, c'est encore pire que d'écrire. Il faut être très patient. Hein. Moi, j'en ai fait 15 avant de trouver celle où je suis maintenant. D'accord. Alors, à chaque fois, oui, on vous écrira. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ce que vous faites, mais... Oui, c'est pas mal. On vous donne la réponse dans 6 semaines. Puis, t'as pas de réponse. Voilà. Voilà, voilà. C'est ça le parcours de l'édition. Puis quand t'en as un, eh ben t'oses pas le perdre parce que tu te dis, ben, ça va être encore la croix et la bannière pour en trouver un. Et puis voilà. Donc celui-là, je le lis, je vais le garder le plus longtemps possible. Puis on verra après. Hein. Mm-hmm. On verra après. D'ailleurs, du coup, donc Angel Bay Racing d'Ayobé, donc le tome 1, est-ce que c'est ton premier roman sur le monde du catch? Oui. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un roman sur le catch? Et en plus, un roman assez futuriste, car il se passe au 23... Parce que j'ai allié mes deux passions. C'est-à-dire la science-fiction. Et le catch. Je suis... je ne sais pas si tu connais cet auteur qui s'appelle Asimov. Un très grand auteur de science-fiction. Et Ray Bradbury, avec les Chroniques martiennes, qui est un très bel ouvrage. Et puis le catch, dont je suis fan depuis l'âge de 11 ans. Donc j'ai allié les deux, tout simplement. Tout simplement. Okay, très bien. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est un nouveau genre, c'est mêler le fantastique avec le sport, que j'adore, tous les sports. Bon, on pourra en parler un petit peu plus tard dans cette émission, on a encore pas mal de temps. Donc il va être bientôt 14h14, avant de parler du roman à proprement dit, je vais décrire la première de couverture pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc la couleur dominante de la première de couverture, c'est le blanc. Oui. Le blanc. Et donc tout en haut, nous voyons le titre écrit en jaune, donc Angel Bay Wuthering Diary, et en lettres capitales, et avec écrit tome 2 en dessous, en rouge juste en dessous, un peu plus bas, nous voyons le sous-titre de l'ouvrage, donc The Storyline of Jesse Liberty, écrit en blanc, et encore en dessous, nous avons donc ton nom, donc Arnaud Finance, et l'illustration de la couverture est assez imposante. Dessus, nous avons trois personnages, donc un personnage en haut à gauche, donc une femme qui est un des personnages de ton ouvrage. C'est Orchidia, c'est la dernière adversaire de Jesse, avant les Adiori. Ensuite, nous avons un autre personnage qui semble être une indienne. Nous doutons que c'est ton personnage principal. C'est Jesse, qui est d'origine indienne, elle y tient beaucoup. Jesse Liberty. Et à la gauche de Jesse Liberty, donc à notre droite à nous qu'on regarde l'ouvrage, nous avons une tête de loup. Il me semble que c'est une tête de loup. Parce que Jesse, son totem est la louve. Elle le dit dans le deuxième. Elle dit, je suis la louve dominante, je suis la louve... C'est son totem chez les Indiens. Ok, et encore... Et tout en bas, il y a un autre personnage, une autre femme avec un chapeau et qui tient un fusil mitrailleur dans sa main. Alors ça, c'est Lady Gangsteria qui campe un gimmick, comme tu disais tout à l'heure, à la Al Capone. Donc une mafieuse avec la Thompson, tout ça, bien qu'on est au 24e siècle. Bien sûr. Mais bon, ils sont un peu nostalgiques. Donc ils reprennent des gimmicks, voilà quoi. Donc justement, nous le disons, c'est toi qui as dessiné cette couverture. Pourquoi avoir voulu... pourquoi avoir choisi cette première de couverture en particulier? C'est moi qui l'ai dessinée. Mais pourquoi l'avoir dessinée? Normalement, la petite primeur... serait la couverture aurait été, le dessin qu'on voit dans le livre, c'est le portrait. Le portrait de Jesse Liberty. De Jesse, avec sa ceinture. D'accord. C'était ça, normalement. Et puis, je me concerte avec ma femme qui m'aide beaucoup. Et ça, je la remercie en direct. Je la remercie, ma chérie, merci de me faire confiance et de corriger mes livres. Jesse, elle devait être donc ce portrait. Et elle m'a dit, oui, mais si tu mets que Jesse, il faut mettre les autres personnages parce que les gens ne comprendront pas. Ok, bah, j'ai repris mes feuilles et puis j'ai dessiné Gansteria, donc Orchidia. Mm-hmm. Et puis Jesse au milieu, puisque bien sûr, voilà quoi. C'est le personnage principal. Mais là, il est plus intimiste par rapport au premier. Là, c'est sa vie. On voit ses enfants grandir, on voit ses adieux au ring. Bon, il y a des combats, parce que quatre choses sans combat. Mm. Voilà. On voit un semblant d'amitié avec, je sais pas si tu te rappelles, la première rivale qui s'appelait Topaz. Si, oui. Là, Topaz quitte le ring pour laisser une nouvelle génération de heels. Mm-hmm. Les heels dans le monde du catch, c'est les méchants. C'est le méchant. Donc, vous avez le heel power et le face force. C'est les deux de la SDW, qui est la fédération dominante de ce catch à aura, parce qu'on catch avec des auras autour. Toujours par rapport au catch, aura de la soumission, aura de la voltige. Aura... D'ailleurs, un voltigeur ne catch pas. Enfin, une voltigeuse ne catche pas avec la première division. Elles ont leur division bien à elles. Mmh. Et puis voilà, et là, on voit ses enfants grandir, comme j'ai dit. On voit Jesse arriver à maturité, être la, vraiment la star qu'on veut battre, mmh. la cible à abattre. Et puis, bah, y a la mort... De certains de ses amis, certains de ses rivales, voilà quoi. Et puis d'autres rivales qui arrivent et qui accrochaient Jesse Liberty à son palmarès, ça serait pas mal. Mmh. Voilà. Donc elle a tout ça. On la voit aller sur la Lune, sur Mars, partout. Elle catch partout. Elle a ses doutes, elle a ses misères, elle a ses joies. Voilà. Donc il est plus intimiste que le premier. Le premier était plus général. Mm-hmm. C'est ce qu'on voit, la création d'Angel Bay, qui est la ville où tout se passe, mm-hmm. où il n'y a que des catcheurs à aura. Il y a une enquête policière dedans. Mm-hmm. D'accord. J'ai repris la trame de la guerre des fédérations. Il y a une fédération qui arrive, qui emploie l'aura interdit, qui est l'aura du hardcore. On a mm-hmm. interdit. Donc... Après, il y a une énorme bataille et ceux qui perdent partiront. Je ne dis pas le résultat. Ah oui. Sinon, voilà. Donc, justement, maintenant, je vais lire le résumé donc, derrière, sur la quatrième de couverture de ton ouvrage, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Donc, je l'ai sous les yeux. Nous sommes au 24e siècle. La Terre a retrouvé une certaine paix. Elle possède des colonies sur Mars et la Lune. Les peuples se divertissent, notamment avec le catch devenu très populaire, surtout le catch féminin qui est régi par la fédération la plus puissante, la SDW, qui a son siège à Angel Bay Wrestling, une mégalopole entièrement consacrée au catch. Le catch que l'on y pratique est spécial car les lutteuses déploient une aura due à une pierre du nom de Magistral qui est tombée sur Terre et qui a déployé une onde de choc. Quelques années plus tard, un homme nommé Ed Topping découvre un masque de catcheur magique qui lui révèle ce pouvoir qui sera nommé le Super Wrestling. La SDW sera créée ensuite. La jeune Jessica Darlington, donc c'est Jessie. Son vrai prénom. Voilà. Son vrai nom. Fan de catch rêve de catcher à la SDW. Au Club Hill, ancienne gloire du ring, détecte en elle ce pouvoir. Il devient son mentor et la façonnera pour faire d'elle, à force de travail, de courage et de sacrifice, la superstar Jesse Liberty. Suivez ses aventures avec un point d'exclamation à la fin. Donc, ça décrit bien ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage et ça donne aussi envie de le lire, je dois bien l'avouer. Donc, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de lire le précédent tome, elle et il retrouvent notre personnage, donc Jesse Liberty. Était-ce important pour toi de continuer à faire vivre ce personnage? Et si oui, pourquoi? Jesse Liberty, je te dirais, vous allez peut-être me trouver un peu fou, mais pour moi, elle existe. Elle D'accord. existe réellement dans la vie. Ok. C'est une catcheuse qui s'appelle Santana Garrett, je ne sais pas si tu connais. Si, oui, oui. C'est elle qui m'a servi de modèle, et Shanna. Bah oui, bien sûr. Shanna, qui... qui j'avais rencontré en 2004. J'ai dit, voilà, je crée Jesse Liberty, je voudrais qu'elle ait ton style. Elle m'a dit, allez, bingo, on y va. Et Louis, qui était avec elle, Louis Napoléon, mm-hmm. Je connais aussi, je bien pense, sûr, oui. M'a dit, ok, Arnaud, on est de tout cœur avec toi, tout ça. Et j'ai eu l'aval de Flash Gordon. Alors là, ça a été... Ah bah. Mon ami Flash Gordon qui a été... Là, ça a été bingo. Donc, on a commencé comme ça, tout bête, sur une blague, quasiment une blague. On s'est dit, on va le faire. Ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. Et puis, je continue tout seul, parce qu'avant, on était deux. Nous étions deux, pardon. Et je veux la faire vivre jusque vraiment le bout du bout. Je vais faire ce que beaucoup d'écrivains ne font pas. Je vais la faire mourir dans le troisième tome pour que l'héritage qu'elle va donner à sa fille, qui reprend le flambeau, Jesse Liberty, normal, et ça continue. Alors, un quatrième, peut-être pas, parce que ça prend un peu lourd. Mais là, le troisième, je pense sérieusement à l'écrire. J'ai mes notes, j'ai ce qu'il faut. Dès que ça me toquera, j'y retourne, quoi. J'y retourne. Ce qu'il y a, c'est que le problème pour le troisième, je n'ai aucun scénario de combat. D'accord. Alors, il faut que je réfléchisse à ça. Bien sûr. Alors là, il y aura peut-être des stipulations, comme le match en cage, le match... je sais pas si tu te rappelles le premier, le match du dôme. Sur un dôme laser. Ça me dit que... Oui, si, oui. Et il y en a un, là, que j'ai écrit, qui est pas mal, que je trouve pas mal. Et certaines structures devraient s'en inspirer. Quand elle combat contre Lady Gangsteria, ils font le match du coffre-fort. Alors, c'est quatre échelles qui sont posées sur quatre coins du ring, comme ça, un ring à huit côtés, hein, chez eux. Tu dois monter, et en haut, il y a un coffre-fort où se trouve la ceinture. D'accord. La première qui ouvre le coffre est championne. Mmh. Alors, je te dis pas, le combat, il est homérique. Et puis voilà, j'invente des stipulations comme ça. Bon, le match en cage, je garde parce que je suis un aficionados du catch en cage. J'aime pas trop le hardcore. Par contre, j'adore la voltige. C'est pour ça qu'il y a une division de voltigeuses. D'accord. Donc il est 14h23. Avant de poursuivre, je te propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie, et que nous écoutons le chanteur canadien Rock Voisine, avec son titre La Légende Uchigas, pour donner un petit peu les références comme j'aime bien le faire. Cette chanson est une chanson plutôt typée pop, elle est sortie en 1993, et est tirée de l'album de Rock Voisine, intitulé I'll Always Be There. D'ailleurs, dans cet album, il y a même la version anglaise de cette chanson. Donc on écoute cette chanson de Rock Voisine et on se retrouve juste après. Une jeune enfumée, sous une flamme de forêt, le vent souffla de la rive, il volait sa beauté divine. Son cri résonna dans la plaine, la terre et le vent se souviennent de son courage et de sa paix. Il s'appelait. Il vivait brûlait. Une orpheline indienne. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h presque 28, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Rock Voisine avec son morceau La Légende Uchigeas. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Arnaud Fulin Finance qui est là pour nous parler de son ouvrage Angel Bay Wrestling Diary, The Storyline of Jesse Liberty. Ça va toujours ? Ça va toujours. Parfait. Donc, nos auditrices et nos auditeurs le savent, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Car, je le rappelle, dans l'émission Fréquence Libre, comme dans À la rencontre d'auteurs d'ailleurs, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission, afin que la dite émission leur corresponde le plus possible. Donc, pourquoi cette chanson de Rock Voisine ? Ben, pour deux raisons. La première, c'est pour ma petite chérie, c'est pour toi chérie, parce que c'est son chanteur préféré, Rock Voisine. Et puis cette chanson, parce que Jesse est indienne, de par sa maman. C'est une, je ne sais plus la tribu, c'est une Comanche. Et je fais référence à ça parce que je me dis que c'est quand même les Indiens qui ont peuplé les États-Unis les premiers. Et elle a choisi le nom de Jesse Liberty car elle représente la liberté en tout genre. Donc voilà, quelquefois je la représente avec le flambeau, quelquefois sans le flambeau, mais avec sa coiffe indienne. Voilà. Et puis c'est un personnage qui est en constante évolution, parce que dans le catch, quand vous gardez le même personnage pendant 10 ans, les fans ils disent oh, ouais, ça va, lui, c'est bon, on a assez vu. Mm-hmm. Et elle, au départ, elle était aux couleurs des États-Unis. Là, elle devient un peu plus indienne, toujours en gardant les couleurs. Elle change de finish, elle change, enfin le finish, la prise de finition. Mm-hmm. Elle change. Là, elle change totalement. D'accord. Jusqu'à atteindre vraiment le paroxysme, où par un moment, il y a un problème, parce que comme je te dis, les gens qui manient l'aura interdit lui pique son aura pour le synthétiser. Elle est fatiguée. Et elle a un groupe sanguin qui est spécial. Seul son mari a ce groupe-là. D'accord. On lui injecte du sang. Et elle a un double aura. Mm-hmm. Parce que son mari est catcheur à aura. D'accord. Et ses enfants auront l'aura naturellement, puisque deux catcheurs à aura donnent. C'est soit négatif, soit positif. D'accord. Donc, voilà. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Parce que Jesse est indienne, et puis je le répète, c'est encore pour ma petite chérie, qui m'écoute sûrement. Et voilà, c'est pour toi chérie, je t'aime. Voilà. Je ferme la parenthèse. D'accord. À la fin du premier tome, on voit la mort d'un personnage. On ne va pas citer son nom pour éviter de spoiler. Donc, est-ce que dans ce tome 2, nous aurons une sorte d'enquête pour savoir pourquoi et ou qui a tué ce personnage à la fin du premier ouvrage? Je me rappelle plus le personnage qui meurt à la fin du premier ouvrage. C'est quand même un comble. Attendez, je réfléchis. Je me remets en mémoire. Oui, ça y est. Oui. Oui, eh ben, justement, dans le deuxième, l'enquête continue. D'accord. Et on revoit arriver le fameux Mr. Link qui revient. Mmh. Et vous avez Jessie qui fait son métier de catcheuse, qui vit sa vie, et l'enquête à côté. D'accord. Qui va se finir, qui va mal finir. Quoi. Je dis pas comment ça finit, mais à la fin, la gentillesse et le bon triomphe. C'est tout ce que je vais à dire. D'accord. Je dis pas comment ça finit. Ça finit très mal. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que ces ouvrages Angel Bay Wrestling Diary et Angel Bay Wrestling Diary, The Storyline of Jesse Liberty, sont tes seuls ouvrages ou est-ce que tu en as écrit d'autres auparavant ? En 2007, j'avais fait publier Le Trésor de Priap. Alors, pareil, c'est le livre où on voit Jesse Liberty, mais en tant que super-héroïne. D'accord. Alors là, elle est habillée à la Oncle Sam féminin. Et c'était l'histoire qui partait de la prise de Troyes jusqu'à nos jours. D'accord. Et il y avait un héros, puisque Jesse est un personnage secondaire dans ce livre, qui s'appelait Apollyos, qui était l'élu de Zeus. Et qui avait la lourde charge de retrouver le trésor de Priam qui appartenait à Zeus. Et il lui a dit, au bout de 15 jours, si j'ai pas retrouvé le trésor, je ravage la terre. D'accord. Voilà. Terminé. C'est comme ça. Terminé. Et puis, bon, bah, il y a une fin heureuse, bien sûr, parce que pour sauver le monde. Et puis voilà. Et il date de 2007. Alors, j'ai pas eu de bol, parce qu'il est sorti lors de l'élection de M. Sarkozy. Et la promotion, elle a mal été faite. J'ai eu une promo sur Europe 1, mais 2-3 minutes. Et puis, il n'a pas si bien marché que ça. C'était aux éditions Amalthée. Alors, pareil, c'est une maison où tu payes pour te faire publier. Alors, j'ai laissé tomber avec eux. J'ai jamais eu droit d'auteur. Bizarre. Enfin, bon, c'est comme ça. Et puis, quand j'ai eu un peu plus de temps, ben, j'ai sorti Jesse de sa torpeur de mes dossiers et j'ai continué. Voilà. D'accord. J'avais un projet de saga qui s'appelait Constellation. Il est écrit là à la maison, mais c'est sur cahier. Il y a 6 volumes. Voilà. Et puis bon, bah, j'ai préféré donner la priorité à Jesse parce que c'est quelque chose qui me tient plus à cœur qu'autre chose. Et puis plus tard, bah, il y aura un autre personnage qui s'appelle Henri Bellefontaine, en référence à notre Bellefontaine des Vosges, le petit village, qui est un flic qui vit en Louisiane et qui est un vétéran du Vietnam et qui a vu son épouse se faire tuer au Vietnam, qui est infirmière aux armées. Lors de l'offensive du Tet, je ne sais pas si vous savez ce que c'est quand les Vietcong ont attaqué les forces américaines en 69. Et là, il est devenu, en rentrant aux États-Unis, d'une noirceur extrême. Les vétérans, il ne peut pas les voir. Il ne peut pas voir les États-Unis parce qu'on lui a dit « Tu es un loser, tu as perdu la guerre, tu es un loser. » Et il y a un mec qui s'appelle John Storm, qui vient le voir, qui dit « Je crée une unité spéciale et notre boulot, c'est de pourchasser les serial killers sur tout le monde entier. » D'accord. « Et vous serez juge et bourreau. » Il a dit « Ok, je marche. » Puis voilà. Là, j'écris la première histoire qui se passe à Paris. Alors la trame, c'est un tueur qui file d'actualité, qui se prend pour Napoléon. D'accord. Okay. Et qui tue par rapport au maréchal d'Empire. Tout ça. Mais c'est très, très, très glauque. Hein. Les morts sont égorgés, éviscérés. C'est vraiment très, très hard. Et un dialogue à la Audiard que j'adore. Je regarde beaucoup de films Audiard. J'ai beaucoup lu San Antonio de Frédéric Dard. Donc je m'inspire. J'adore parler comme ça. Là, je suis à la radio, je suis poli. Mais j'adore quelquefois parler comme ça dans la vie de tous les jours. C'est des mots. C'est notre France, quoi. Ça appartient à notre patrimoine, donc voilà. Donc je m'en inspire. Donc Henri est vosgien, son papa est vosgien. D'accord. Il a émigré à Montmartre pour ouvrir une librairie. Il a fait la Deuxième Guerre, il a été résistant, et tout ça. Et puis Henri naît en 1946, il fait le Vietnam pour arriver jusqu'à ce flic. Ce flic noir, sans rancœur, sans pitié, sans rien, quoi. D'accord. Donc, on va se pencher un petit peu plus vers Angel Bay Wrestling Diary, le tome 2. Combien de temps as-tu mis pour écrire cet ouvrage ? Alors, le premier, un an. Mm-hmm. Le second, pareil. Un an aussi ? D'accord. J'ai l'avantage d'avoir des cahiers pleins de notes, donc je peux reprendre quand je veux. Mais le pire, ça a été de consigner les shows. Quand vous regardez un combat, vous regardez un combat. Mm-hmm. Mais le mettre sur papier, c'est pas évident. C'est vrai. Mais fort heureusement, avec des copains là-bas à Paris, qui avaient une petite fédération, ils me disaient, tu peux nous écrire les storylines des combats, les scénarios. Ok, ouais. Pas de problème. Donc ça m'a beaucoup aidé. Oui, j'ai mis un an pour chaque. D'accord. Avec l'aide de mon épouse, qui a été là quand ça allait pas, quand je me disais, je suis fatigué. Elle était là derrière moi. T'inquiète pas, mon chéri, ça va le faire. Tu vas y arriver. T'en fais pas. Voilà, quoi. Heureusement que je l'avais, parce que je crois que sans elle, je les aurais jamais écrits. Mmh. Je crois que je les aurais jamais écrits. Oui, c'est important d'avoir du soutien dans l'écriture ou même dans d'autres domaines, avoir du soutien de ses proches, que ce soit notre copine ou... Une épouse, oui. C'est un challenge de tous les jours. La vie, c'est un challenge de tous les jours. Elle est là pour vous soutenir, elle est là pour dire, je suis pas content après toi, je suis fier de toi. Mmh. Il y a les deux. Et quand vous avez ça, ben ça vous booste, parce que vous dites, mais elle est fière de toi, alors vas-y mon gars, flanche pas, quoi. C'est ça. Et si je te dis, si je l'avais pas eu, non, je crois que j'aurais jamais écrit de ma vie, je crois. J'aurais jamais publié de ma vie. D'accord. Et là, je publie, donc je suis heureux, tu vois, je suis content. Parce qu'elle est là, parce que, voilà, quoi. C'est... Ton personnage principal, c'est donc... Comme nous disons depuis le début de cette émission, Jesse Liberty, et c'est une jeune catcheuse, mais qui sont les autres personnages principaux? Est-ce que Orchidia, c'est ça? Alors, Orchidia, c'est la dernière adversaire mm-hmm. de Jesse, qui participe à un énorme tournoi où c'est toutes les championnes de toutes les fédérations de catch à Aura qui se retrouvent sur Mars. Et le tournoi s'appelle Domination Wife, si on connaît l'anglais, voilà. Et Orchidia, c'est elle qui provoque Jesse. D'accord. Elle est championne de la WMS qui se trouve à Paris, mm-hmm. et qui dit, la vraie championne, c'est moi. L'Indienne qui est là-bas aux États-Unis, c'est de la merde. Alors la présidente, Miss Barbara, appelle la présidente de la WMS, deux anciennes catcheuses qui ont combattu ensemble, qui sont très amies. Hein, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et Jesse dit, c'est ça qu'elle veut, j'ai lui prouvé qui c'est la meilleure. Et c'est parti. D'accord. Donc, vous voyez, à la fin, il y a la nomenclature de toutes les championnes qui participent. Il y a des voltigeuses à tout ça. Je reprends toutes les fédérations du premier, qui n'a pas raison de premier. Mm-hmm. Mais... Et je ne dis pas le résultat du match. Ah bah non. Mais... c'est un match comme t'en verras jamais. Je dis, ça va très, très loin. D'accord. Juste pour la petite anecdote, c'est un match qui se déroule en deux manches gagnantes. D'accord. Et Jesse est pas loin de mourir sur le ring. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Je vous dis pas comment elle se relève. Je vous dis pas. Du coup, tes autres personnages, comment tu les as trouvés? Je me suis inspiré beaucoup... du catch actuel. D'accord. Par exemple, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis très Dumas, et le mari de Jesse, qui s'appelle Patrick Lecourt, qui est français, il campe Lafayette Mousquetaire. Mm-hmm. D'accord. Donc, voilà. Donc je me suis inspiré de ça, des mousquetaires, je me suis inspiré Dauphine, qui est la sœur de Patrick, donc belle-sœur de Jesse, qui est une voltigeuse. Elle s'appelle Dauphine parce que j'ai fait référence à un manga qui m'est très cher, c'est Lady Oscar. Personne n'est parfait. Et puis, tous les autres personnages, Sabrina Gerben, qui est la chef de la police, elle existe. Tu as dû la voir, c'était Galatorne. Je ne sais pas si tu te souviens de cette catcheuse. Elle est policière dans la vie de tous les jours, donc voilà. Miss Barbara, je te dirais, c'est un peu Linda McMahon. Oui. Voilà. Mais je veux dire, il y a des personnages, Oncle Bill, c'est le vieux mentor, le vieux catcheur qu'on a vu, au franc-parler, tête de mule et tout ça. Il y a Red Delicious, qui est la tante de Jessie, qui est indienne, d'où son nom. Il y a toute une mythologie, une cosmologie autour d'elle qui fait que tu as les légendes indiennes. Tu as des catcheuses comme Pallas, que j'adore la mythologie, donc Pallas, Sekhmet, mythologie égyptienne, tout ça. Les films des années 50 avec Lady Gangsteria, Orchidia, parce que j'ai quelqu'un qui adore les orchidées chez moi, tu vois, je prends toutes les informations et je crée des personnages par rapport à ça. Je vois dans la rue, par exemple, un boucher, hop, ça fait un catcheur. Je crée la storyline de ce mec et je me dis, il catcherait contre qui ? Contre celui-là, et puis allons-y. D'accord, ok. Il est 14h42. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions le célèbre groupe Scorpion avec leur titre Send Me an Angel. Une nouvelle fois, pour donner les références, cette chanson est une chanson plutôt typée pop à nouveau. Elle date de 1990 et est tirée du 11e album du groupe, album intitulé Crazy World, et album sorti le 6 novembre 1990. Donc on écoute cette chanson de Scorpions et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc à tout de suite. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h47. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter les Scorpions avec leur morceau Send Me an Angel. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Arnaud Fulin Finance qui est là pour nous parler de son ouvrage, de son tome 2, Angel Bay Wrestling Diary, The Storyline of Jesse Liberty. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie, Arnaud ? Bien sûr. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence, pourquoi as-tu choisi cette chanson des Scorpions ? Alors, c'était une chanson que j'avais choisie pour un ami dont je faisais le manager, et on a choisi finalement Highway to Hell. D'ici, qui campait à style, pour ceux qui connaissent Undertaker, personnage noir, il s'appelle Thanatos à la store. D'accord. Et j'avais dit, on va choisir ça. Elle me dit, bah non, c'est pas bien, on va prendre Highway to Hell. Bon, bah voilà, ça s'est pas fait. Et puis Scorpion est un de mes groupes préférés, avec Statu Quo, avec tous ces gens-là. Je suis très vieux, je m'excuse. Mais voilà, quoi. Très bien. Donc, si tu as une petite idée, combien de temps écris-tu par jour ou par semaine ? En d'autres termes, est-ce que tu écris régulièrement ou seulement quand l'envie te prend ? J'écris tous les jours. Et quand j'écris pas, je dessine. Alors, lorsque j'écris, je commence peut-être 10 heures du matin et aller jusque 2 heures du matin dans la nuit. Hein, D'accord. Parce que le temps de fouiller les notes, de trier, de regarder... de dire qui va avec qui, parce que c'est des notes, c'est pêle-mêle, hein, c'est pas dans l'ordre. Donc, et puis j'ai des idées, il y a beaucoup de personnages, il y en a plus de 130, je crois, que j'ai noté. Alors faut choisir pour arriver, aller à 5 heels et 5 faces, quoi. En comptant les personnages secondaires. Donc c'est compliqué. Est-ce que celui-là va aller? Est-ce que celle-là va le faire? Est-ce que celle-là... Oh non, le nom est con. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est pas grave. Le nom est pas bon. Non, ça marchera pas. Tout, voilà quoi. Mm-hmm. Et puis après, j'écris en faisant croire que c'est Miss Barbara qui choisit une telle ou une telle catcheuse. Donc ça marche comme ça. Et puis la story, elle se fait. Quelquefois, c'est à l'improvisation. Quelquefois, c'est noté. Mais en général, toutes les stories de combat de Jesse sont écrites. Topaz, un peu moins. Orchidia, ça m'a paru sous le sens. D'accord. Parce que j'avais vu un match, je ne sais pas si tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps qu'il a eu lieu. C'était Belair contre Sasha Banks pour le titre. Ah oui? C'est oui, et puis que... À WrestleMania, d'ailleurs, je crois. Que Bianca Belair est sortie. Et j'avais, oui, Bianca Belair. Et j'avais vu ce combat, et je m'étais dit, j'appelle l'éditeur, je dis, il faut me le remplacer, il faut mettre ça. Ah, mais on peut pas. Bon, ben, on laisse comme ça, mais Orchidia, c'est un peu dans ce style-là, tu vois, Sasha Banks... Ma catcheuse préférée, Becky Lynch. J'attends avec impatience qu'elle revienne. Ah ben. C'est ce genre de catcheuse. Par contre, Charlotte Flair va venir dans le troisième. Elle va s'appeler The Altess. Alors, pourrie à l'extrême. Bien sûr. Et ça va être la première rivale de Marianne. Donc, voilà. Mais il y aura un segment avec Jesse pour la passation de... T'as une altesse qui va dire, hey, grand-mère, qu'est-ce que tu as à faire sur le ring, machin, je vais te renvoyer dans ton EHPAD. Enfin, tu connais comment on fait monter un match. Donc voilà. Ok. Donc comme nous le disions un peu plus tôt, ton intrigue se passe dans un univers futuriste au 24e siècle, donc entre 2300 et 2399. Et pourquoi avoir pris la décision de cette période en particulier ? Eh bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est l'actualité. D'accord. Quand tu vois tout le nombre de tsunamis, de tremblements de terre, la pandémie, je m'étais dit, on va se baser là-dessus. À l'époque, quand j'ai écrit le premier, il y avait eu Fujikima au Japon. Et il y avait eu Phuket, ce fameux tsunami qui avait ravagé. Et je m'étais dit, les hommes sont tellement égoïstes avec la nature qu'ils vont détruire la planète. Alors, on a fait des changements. On a fait une guerre contre Mars. J'ai fait une guerre contre Mars, des tsunamis en veux-tu en voilà, des tremblements de terre. Et puis la surpopulation. Eh oui. au 24e siècle, on est 14 milliards sur Terre. Alors donc, on a fait des colonies sur la Lune. Mm-hmm. Puis un peu plus loin sur Mars. Parce que si on entend bien, en ce moment, on parle bien du premier pas sur Mars, mm-hmm. en 2030. Alors, en 2300, pourquoi on ne vivrait pas sur Mars ? Eh oui, d'accord. Alors, c'est tout des questions qui m'amènent à dire tout ça. Il y a un peu de politique, parce qu'il y a la campagne pour le Conseil des Trois Planètes. Il y a plein de petites choses comme ça qui se greffent, l'actualité, tout ça. Par exemple, sa tante, sa deuxième tante, Jessie, part pour briguer un mandat des Trois Planètes. Mais Jessie ne prend pas parti. Tu vois ? Je la fais neutre. Et c'est tout des trucs comme ça. Je suis l'actualité. Ce qui m'a choqué, c'est la prise du Capitole après l'élection américaine. Oui. Eux qui sont si proches de leur symbole voient le Congrès se faire envahir par des énergumènes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous avez perdu, vous partez, c'est tout. Mmh. Voilà. Et quand je vois tout ça, je vois les juntes militaires en Birmanie qui pressurisent les populations, les machins, je me dis, il y a quand même matière à faire. Et puis, il y a eu la pandémie. Mmh. Et je m'étais dit, même un auteur de science-fiction, jamais il aurait pensé ça, quoi. Donc, voilà, je m'inspire de l'actualité, puis je greffe, tout simplement. Il faut changer les noms. On fait tout ça. Mais même chez nous, dans les Vosges, quand je vois nos belles forêts, des fois, se faire couper des arbres, tout ça, parce qu'à cause que les sapins sont malades, machin. Même là. Donc, tu vois, je m'inspire de tout ça, quoi. D'accord. Donc, il est 14h54, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je te propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions le célèbre groupe ABBA et leur titre... C'est mon groupe favori, j'ai tout sur eux, livre, disque, j'ai l'intégrale. Et il y a cette chanson que tu vas dire qui fait référence à la catchphrase de Jesse qui dit, après chaque interview... It's my time for long time. C'est-à-dire, c'est mon temps, mais pour longtemps. D'où le titre, donc, c'est So Long. Et une nouvelle fois, pour donner les références rapidement, cette chanson est encore une chanson plutôt typée pop. Elle est sortie en 1975 et est tirée du troisième album de ABBA, album intitulé ABBA, tout simplement. C'est le ABBA, oui. Et album sorti le 21 avril 1975. Donc, on écoute son morceau et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission. Donc, à tout de suite après ABBA. ABBA avec leur morceau So Long sur Radio Guémozo. Il est 14h58, nous allons bientôt devoir conclure. Vous êtes de retour et vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Arnaud Fulin Finance qui est là pour nous parler de son ouvrage Angel Bay, Wrestling Diary, The Storyline of Jesse Liberty. Tout est toujours bon pour toi ? Toujours. Parfait. Donc là, j'allais te demander pourquoi avoir choisi cette chanson, mais tu l'as dit avant la pause musicale. Donc on va sauter cette question. Donc du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Si nous voulons te suivre et pourquoi pas nous procurer tes ouvrages, comment est-ce qu'on peut nous y prendre ? Comment pouvons-nous faire ? Alors, vous pouvez les commander à la FNAC. D'accord. Sur Amazon. Mm-hmm. Je ne sais plus, il y avait un autre site dont j'ai oublié le nom. Vous pouvez, moi j'en ai à la maison, vous pouvez aller sur mon Facebook, Arnaud Fula, que tu connais bien. Mm-hmm. Et si vous voulez me suivre mes dessins, vous tapez en majuscule Flamme, comme le capitaine, mais ça n'a rien à voir. Ce sont les initiales de ma femme. Elle s'appelle Laure Mauger Arnaud Finance, Flamme. Voilà. D'accord. Et puis sur mon Twitter, vous pouvez y aller aussi, hashtag Arnaud Finance. Sinon, oui, c'est les Furets du Nord. Voilà. D'accord. J'ai retrouvé. Donc, sur toutes les plateformes, vous pouvez le trouver sans aucun problème. J'ai une amie à Vanier qui a réussi à le trouver. Donc, voilà. Ok. Donc, je m'affiche ce qui va passer après, la musique qui va passer après pour l'annoncer. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Arnaud, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page de Facebook dans la journée. Si je pourrais même te l'envoyer par mail, si ça te tente. Oui. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page de Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique avec Nina Simone et son titre My Baby Just Cares For Me, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Stéphane, ou fils avec un point à la fin, qui était là pour nous parler de sa carrière de chanteur et de son premier EP éponyme. Juste un dernier mot, oui. Prenez soin de vous. Et oui, surtout en ce moment. Donc, quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, Pierre Simonin de la MFR de Saulxures-sur-Moselotte, et bien sûr, toujours lundi à 8h et 13h30, pour ma chronique La Christoire des auteurs, dans laquelle nous continuerons notre voyage au travers de la vie et de l'œuvre de J.K. Rowling, la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Donc, merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et je vous dis à lundi. Donc, salut et à lundi.